RIFA frère 89-100-Z2S Arem Palace. Holla tellin' it's a cold day in it. Stand up, get up. Holla tellin' it's a cold day in it. Future was ours. Holla tellin' it's a cold day in it. Stand up, get up. There's a spirit in the air. Future was ours. Stylo en main. Une heure et demie du mat sur le cadran. Cette vie m'a trop stressé donc j'évacue en grattant. Tabac et boulettes mélangés dans une feuille à rouler. Tous les jours c'est la merde, enfin pour moi ça m'en a tout l'air. L'inspi monte dans les tourés, ça y est le touré. Joué, mon rap met des teutards et face à lui tu t'en as joué. T'es arrivé en caisse mais sur ma vie tu vas me donner ta clé. Car là tu joues sur un terrain où même l'arbitre se fait tacler. Mon micro c'est un gun et comme l'ambiance tu finiras plombé. Si t'as besoin d'aide j'ai des bons tuyaux mais je suis pas plombier. Un jour on m'a dit le travail c'est la santé. Mais laisse moi rire, moi j'en connais, c'est la santé qui les travaille. En parlant de la santé, crois pas que derrière les barreaux t'es libre. Une vie pas trop terrible, tu rêves du salaire à Balotelli. T'écoutes mes paroles et tu te demandes si j'en ai qu'une. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas le peura qui me fait prendre des thunes. Holla tellin' it's a cold day in it. Stand up, get up. Holla tellin' it's a cold day in it. Future was ours. Holla tellin' it's a cold day in it. Stand up, get up. There's a spirit in the air. Laisse-moi le temps d'un 16, histoire de mettre les alarmes à l'heure. Deuxième couplet, déjà je vois tous les M, c'est qu'on l'alarme à l'œil. Je vais pas te parler de bise et cheat. Je sais que le vice excite. La rime est malmenée, mon frère, tu finis dyslexique. Je représente où je vis pour te prouver que ma ville existe. Vu l'excès, pour certains, ça sent la crise d'épilepsie. Et puis même si t'as MC, bah tu vas te pisser dessus. Je reste meilleur que toi, un peu comme Coca face à Pepsi. Série fac et pas ça, ça rap sale, remarque ça. On marque 5 buts dans le match, même face au Barça. Si t'as la balle, passe la moi, rime technique comme l'asthma. Là je traîne pas avec les putes pour pas finir avec le das malade. La vie nous fait boire la tasse, parfois nous fait boire la taille. La poisse laisse des messages mais moi je m'en tape, je veux que la chance rappelle. T'écoutes mes paroles et tu te demandes si j'en ai qu'une. En tout cas une chose est sûre, c'est pas le peur à qui me fait prendre des thunes. Holla tellin' it's a cold day in it. Stand up, get up. Holla tellin' it's a cold day in it. Future was ours. Holla tellin' it's a cold day in it. Stand up, get up. There's a spirit in the air. Je prends le micro comme un gun et je tire sur tous ceux qui sont sur ma route. J'accélère, putain il reste du sang sur ma roue. Comme JLN on se cause la tête avant de finir dans un trou. Et n'oublie pas les traîtres, c'est comme les gays, y'en a trop. Je mise tout sur moi-même, je prends la route et même en pleine tempête. On se voit une fois par an donc me fais pas croire que ma peine t'embête. Je fais du lourd avec l'équipe et toi, ton rap est l'Aztec. Désolé de te dire que ton navire a percuté l'iceberg. Le silence est d'or, ferme ta gueule et fais de l'oseille. Enfer c'est obligé, comme un keuf qui fait du zèle. Dur de prendre son envol, avec du plomb dans l'aile. On garde les pieds sur terre et c'est la prod qu'on monte en l'air. Je reprends ma respi, je me sers un verre pour amorcer l'inspi. Et si je m'arrête en chemin, c'est uniquement pour me rouler un spliff. Petit frère Fébélec, je te parle que de faits réels. Pour toi la rue c'est un jeu mais c'est pas toi qui fais les règles.